l'allée solitaire, l'allée simple sans retour, que tout homme de la terre prend un jour pour aller voir Dieu le Père et lui compter ses vertus. Je lui dirai sans manière j'ai vécu. J'ai vécu la vie d'un être pétri de chair et de sang. J'ai vécu chaque seconde de mon temps. J'ai vécu pour tout connaître de ce qui m'était offert, sans souci d'aller au ciel ou en enfer, pensant que je n'avais rien de mieux à faire. Ni plus ni moins optimiste que le reste des humains, j'ai mené la vie d'artiste, pas de saint. Dès lors que c'est à la piste que le spectacle s'est dû, admettons qu'en égoïste j'ai vécu. J'ai vécu la vie d'un être qui n'aspirait qu'au bonheur. J'ai vécu jusqu'à m'en déchirer le cœur. J'ai vécu, mon Dieu, peut-être sans penser à mon salut, mais sur terre on m'avait affirmé que tu laissais venir à toi les brebis perdues. Si mes lettres de créance semblaient minces et sans effet, si pour toucher sa clémence je devais justifier mon existence en détail par le menu, je dirais pour ma défense j'ai vécu. J'ai vécu le feu dans l'âme pour les filles au cœur chaud. J'ai vécu le désir planté dans la peau. J'ai vécu au nom des femmes pour l'amour et ses envies, croyant par moments toucher le paradis, en brûlant mes jours et consumant mes nuits.